Si ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous bien que vous auriez pu être Barbara, la chanteuse Barbara. Parce que toute l'œuvre de Barbara, ou presque, est consacrée au malheur, à la tristesse, à la mélancolie. Il y a bien sûr des exceptions, mais celles-ci sont en petit nombre et surtout ne concernent pas ses chansons les plus célèbres. L'Aigle Noir, dit « Quand reviendras-tu ?»,« Göttingen », »,« La solitude ». L'Aigle Noir est peut-être la chanson qui explique toutes les autres. D'après une interprétation psychanalytique, cette chanson, où elle est réveillée par un aigle tandis qu'elle dort au bord d'un lac, porte peut-être la trace de l'inceste que son père lui a fait subir alors qu'elle était jeune fille. Mais on ne fait pas aisément sa part à un mauvais père. Et c'est pourquoi l'une des chansons les plus tristes de Barbara lui est consacrée, Nantes. Une chanson qu'elle a mis 4 ans à écrire. La légende dit qu'elle la termina quelques heures avant de la chanter sur scène, un 5 novembre 1963. Nantes, c'est la ville qu'elle est sommée de rejoindre, appelée par son père, alors sur son lit de mort. La ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. Cette chanson dit vrai, son père a quitté le foyer familial alors qu'elle avait 19 ans, voyageant en France, errant d'un lieu à un autre en vivant d'expédients, comme s'il avait une faute à expier, trouver une punition. Mais elle, jeune fille, se souvient de l'abandon, de son attente et de cette espérance déçue. Car elle arrive trop tard pour revoir ce père, même si elle romance ce qui lui est réellement arrivé. Barbara a vraiment été appelée par son père mourant, sans réussir à arriver à temps pour le voir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu 4 hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Nantes est la chanson la plus déchirante de Barbara, ses derniers mots, qu'elle n'a pas pu dire à son père, lui qui est parti sans un au revoir, sans qu'elle ait pu lui pardonner ou recueillir son pardon. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. L'un des moments les plus noirs dans la vie de la dame en noir. Et maintenant, bonne journée, puisque vous n'êtes pas Barbara.